reprenons le futur et le conditionnel. Comment dit-on « je l'aurai » au futur, c'est-à-dire au sens de « je vais l'avoir » ? L'avro. L'avro, oui. Et « je l'aurai » en conditionnel cette fois, comme dans « s'il me l'avait donné, je l'aurai maintenant ». L'avrei. L'avrei, oui. Et donc, comment va-t-on traduire « je l'aurai acheté » ? L'avrei comprato. L'avrei comprato. Pour dire le mot te, te ou te apostrophe, comme dans je t'ai vu, on suit le même modèle que me. Si vous pensez à ça me plaît, par exemple, comment dit-on ça me plaît? Mi piace. Mi piace. Mi piace vous donne la traduction de me, qui est mi. Et donc, la traduction de te sera ti. Ti. Très bien. Maintenant que vous savez ça, dites-moi, nous t'aurions attendu. Ti avremmo aspettato. Avremmo. Avremmo. Ti avremmo aspettato. Ti avremmo aspettato. Voilà, oui. Et maintenant, nous l'aurions attendu. En parlant d'un homme. L'avremmo aspettato. L'avremmo aspettato, c'est ça. Dites-moi maintenant, il ne l'aurait pas faite. Il au pluriel. Non la avrebbero fatto. D'un autre exemple en français, j'ai dit il ne l'aurait pas faite, avec faite au féminin. Ce qui veut dire que ce qu'il n'aurait pas fait est féminin. Par exemple, la réservation, la réparation, etc. C'est ce féminin que représente le « e » à la fin de « fête ». Eh bien, en italien, c'est pareil. Le verbe dans lequel vous plongez s'accorde aussi au féminin. Au lieu d'ajouter un « e » à la fin comme en français, en italien, on remplace le « o » du masculin par un « a », tout simplement. Donc, il ne l'aurait pas faite donne non la avrebbero fatta. Bien, mais au lieu de la avrebbero, vous pouvez contracter en l'avrebbero. Oui, non l'avrebbero fatta. Comment diriez-vous, vous qui êtes une femme, il m'aurait vu et il m'aurait dit pourquoi il ne le fera pas comme ça. Commençons par il m'aurait vu. Ce vu qui sert à plonger dans le passé du verbe voir ou vedere en italien, c'est visto au masculin. Donc, vous qui êtes une femme, vous direz mi avrebbe vista. Mi avrebbe vista. Mi avrebbe vista et il m'aurait dit e mi direbbe. Mi direbbe, c'est il me dirait. Il m'aurait dit mi avrebbe dire. N'oubliez pas de plonger. Je vous rappelle qu'après avoir ou être, on n'a pas d'autre choix que de plonger. Et c'est dans le participe passé qu'on plonge. Enfin, peu importe le terme grammatical, ce qui importe, c'est qu'il faut plonger. C'est exactement comme en français d'ailleurs. Vous avez dit « il m'aurait dire », mais vous auriez dû dire « il m'aurait dit ». Alors, reprenons. Il m'aurait dit mi avrebbe detto. Mi avrebbe detto pourquoi il ne le fera pas comme ça. Perché il ne le fera pas comme ça. Non farà. Il ne le fera pas comme ça. Non lo farà così. Bien. Mi avrebbe vista. Il m'aurait vu au féminin. Et mi avrebbe detto, et il m'aurait dit, perché non lo farà così? Pourquoi il ne le fera pas comme ça? Mi avrebbe vista, et mi avrebbe detto, perché non lo farà così?